schmitts font des chasses à l'homme. Je vois ces putes qui accusent après avoir fait les salopes. Victime, c'est entre chaque injustice que je slalom. Mais ne crois pas que je fais l'album avec l'argent des allocs. Ceux dans au monde en viseur veulent me voir plonger. Me foutent des bâtons dans les roues pour me faire tomber. Injustice au quotidien, accusé à cause de rien. Considéré comme un chien, je suis devenu un pro du tien. Nique cette vie de merde, des gens merdent les pauvres. Je vois toujours autant de différences entre riches et pauvres. Les portes se ferment, je vois tant de bouts s'ouvrir. Tant d'injustices s'offrir à nous, trop de gens souffrir. Entre l'argent qu'on nous vole et les flics corrompus, les liens sont rompus et ne crois pas que je vais ramper. Ces grosses putes veulent nous faire croire qu'on pue. Abus de confiance, focus dans ou non qu'un but. Des PV tous les matins car chez moi y'a pas de parking. Trop d'injustices et même les flics font du carjacking. Je vis dans un monde qui ne parle que de terrorisme, histoire de nous faire entrer en douceur dans le capitalisme. Je fais le robot pour le SMIC, rêve de toucher le gros lot. Hélas, quand je rafle, vous ne retenez que mes gros mots. Une routine dans l'injustice et on nous laisse galérer. Nique l'État n'est pas une phrase mais une façon de s'aérer. Justice pour les riches, injustice pour les pauvres. Avec la maille, tu verras que le monde ouvre ses portes. De l'illégal pour les flics, mais des lois pour mes potes. Tous mes proches sont comme moi, l'injustice dans les poches. Justice pour les riches, injustice pour les pauvres. Avec la maille, tu verras que le monde ouvre ses portes. De l'illégal pour les flics, mais des lois pour mes potes. Tous mes proches sont comme moi, l'injustice dans les poches.